Ok, on va commencer, Inch'Allah. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu amma ba'd. On commence maintenant notre cours numéro 25 dans l'explication de la aqidah de l'imam al-Sabuni, rahimahullah, dans son livre Aqidatu al-Salaf wa Ashab al-Hadith. Et on est toujours dans le chapitre au sujet de, yani, استواء الله على عرشه استواء الله على عرشه c'est-à-dire le fait que Allah subhanahu wa ta'ala s'est élevé sur son trône. Donc on a une autre narration maintenant qu'on va mentionner qui est la narration de l'imam Malik rahimahullah. Il dit l'imam As-Sabuni akhbarana Abu Muhammad al-Makhladi al-Adl حدثنا أبو بكر عبد الله ابن محمد ابن مسلم الأصفرايني حدثنا أبو الحسين علي ابن الحسن حدثنا سلمة ابن شبيب وابن شبيب وابن شبيب حدثنا مهدي ابن جعفر ابن ميمون الرملي عن جعفر ابن عبد الله قال جاء رجل إلى مالك إلى مالك بن أنس يعني جعفر ابن ميمون الرملي عن جعفر ابن عبد الله جاء رجل إلى مالك بن أنس يعني يسأله عن قوله الرحمن على العرش استوى قال فما رأيته وجد من شيء يعني فما رأيته وجد من شيء كوجده من مقالته وعلاه الرهضاء وأطرق القوم فجعلوا ينتظرون الأمر به ينتظرون الأمر به فيه ثم سري عن مالك فقال الكيف غير معلوم والاستواء غير مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وإني لأخاف أن تكون ضالا ثم أمر به فأخرج أخبرنا به جدي أبو حامد أحمد بن إسماعيل عن جد والدي الشهيد وأبو عبد الله محمد بن عدي ابن حمدويه أو ابن حمدوية الصابوني حدثنا محمد بن أحمد ابن أبي عون النسوي حدثنا سلمة ابن شبيب حدثنا مهدي بن جعفر الرملي حدثنا جعفر بن عبد الله قال جاء رجل لمالك ابن أنس فقال يا أبا عبد الله الرحمن على عرش استوى كيف استوى؟ قال فما رأيت مالكا وجد من شيء كوجده من مقالته وذكر نحوه. Donc ça c'est la narration célèbre de l'imam Malik رحمه الله à propos de l'homme qui est venu lui poser la question à propos de Al-Istiwa, le verset 5 dans Surah Taha, Ar-Rahmanu ala al-Arshi Istawa, le très miséricordieux, ou le tout miséricordieux s'est élevé sur le trône. Il a dit, j'ai jamais vu l'imam Malik se mettre en colère comme il s'est mis en colère pour cette parole. Et il a commencé à transpirer même. Son front est devenu comme s'il avait il avait tout d'un coup des sueurs sur son front. Et subhanallah, les gens attendaient pour voir qu'est-ce qu'il allait répondre à son sujet. Puis finalement, l'imam Malik a dit le comment, il n'est pas connu, mais l'istiwa, c'est pas quelque chose qu'on ignore. La foi en cela est obligatoire et de demander ce genre de questions est une bid'a. Il dit, je crains que tu sois un égaré. Alors il a ordonné à ce qu'on l'expulse, à ce qu'on le fasse sortir de la mosquée. Naam. Et il y a une autre narration qu'il a mentionnée avec une autre chaîne de transmission, avec la même chose. Il a la même, c'est la même histoire qui est mentionnée, mais avec une autre chaîne de transmission. Et le cheikh, il dit ensuite, Cheikh Rabi' hafidhahullah, il explique ça. Il dit, « هذا الإمام مالك رحمه الله غضب غضبا شديدا وأمر بطرد هذا السائل عن كيفية الاستواء من حلقته واتهمه في دينه فماذا يقول فيه هؤلاء الحدادية مبتدع والشيء بالشيء يذكر البارحة رأيت لهم مقالا يسألون بعض المشايخ ما رأيكم في من يسجر الذي يسأل عن حديث السورة يعني أو يسجر يسجر الذي يسأل عن حديث السورة والله ما أدري ماذا أجابه الشيخ ولكن هم يريدون الطعن فيه فالحدادية أسئلتهم كلها من هذا النوع بل والله أشد والله لعل هذا الذي سأل مالكا تربى واستفاد ووقف ولم يذهب يحارب مالكا ولكن هؤلاء فتحوا مواقع للحرب وهذا لم يفتح مواقع على مالك ذهب يشيع في البلدان أن مالكا طردني وكذا وكذا وأنا أسأل عن الحق ويأتي له بألف شبهة وكذبة ولكنه انقمع ولكن هؤلاء لا ينقمعون لا ينقمعون وهؤلاء لا ينقمعون إلا السيف لا يقمعهم إلا السيف والسجون والمطاردات ليت العلماء والمسؤولين ينتبهون لهذه الفئة المجرمة ويعرفون أهدافها وماذا تريد هذا مالك أجاب بهذه الإجابة وربيعة كذلك وأم سلمة والحديث عنها ضعيف قالوا الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة الاستواء معلوم حقيقة ثابتة من القرآن والسنة لغة ولغة العرب والعقل والفطرة والكيف لا يعلمه إلا الله يندرج في قوله تبارك وتعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله يعني المتشابه من الكيفيات Donc ici le cheikh il explique que l'imam Malik il s'est mis en colère hein? Et il a ordonné de chasser cet homme qui demande à propos du comment hein? Comment Allah s'est élevé sur le trône Il l'a chassé de sa halaqa, de son assise, de son cercle. Et il l'a accusé dans sa religion. Donc, qu'est-ce que les Haddadiya auraient dit de l'imam Malik quand il a fait ça? Est-ce qu'il l'aurait accusé d'être un mubtadi? Il dit, pourquoi Cheikh Rabi a dit ça? Parce qu'il dit, c'est comme ça que les Haddadiya à notre époque, qu'est-ce qu'ils font? C'est ça qu'ils font avec les ulama. Il dit, hier soir, qu'ils ont écrit un article sur Internet en posant la question à certains parmi les machaires, qu'est-ce que vous dites de celui qui réprimande, celui qui pose la question au sujet du hadith qui parle de l'image d'Allah, hein, que Allah a créé, plutôt le fait que Allah a créé Adam à son image. Hein. Alors, il dit, par Allah, je ne sais pas qu'est-ce que le cheikh à qui ils ont posé la question, qu'est-ce qu'il a répondu. Mais qu'est-ce qu'ils veulent par là? Pourquoi ils demandent ce genre de questions? C'est parce qu'ils veulent m'attaquer. Parce que Cheikh Rabi, il a réprimandé une personne qui posait une question sur ce hadith-là. Alors, pour se venger du fait que le cheikh, il les a réprimandés, eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont poser des questions à d'autres chouyours et ils mettent ça sur leur site pour attaquer Cheikh Rabi. Alors le cheikh, il dit, les haddadiyya, c'est comme ça qu'ils posent des questions, toujours pour faire des fitanes. Et il dit même qu'ils sont plus durs encore que ceux qui posaient les questions à l'époque. Et il dit, regardez la personne qui a posé la question à l'imam Malik. Quand il est venu, il a posé la question à l'imam Malik. Il a dit, كيف استوى? Et le cheikh, il dit, Cheikh Rabi, il dit, peut-être que la personne a posé cette question, puis elle a été éduquée par cette réponse. Il a appris quelque chose, il a profité de cette réponse. Et il dit, il s'est arrêté là. Il n'a pas commencé à faire la guerre à l'imam Malik. Il n'a pas commencé à ouvrir des sites internet pour critiquer Cheikh Mal et l'imam Malik. Hein? Ils n'ont pas ouvert des sites internet avec des forums pour commencer à attaquer les ulama, commencer à critiquer les ulama, parce qu'à l'époque, hein, ils n'avaient pas tous ces moyens-là. Aujourd'hui, n'importe quel ignorant, n'importe quel jahil, n'importe quel fatan, il ouvre un site internet et il commence à faire la guerre, il commence à attaquer les ulama et ça se propage dans le monde entier. Hein? C'est ça qui se passe. Et donc le cheikh, il dit, est-ce que vous voyez que là, cet homme-là, que l'imam Malik a chassé, il a ouvert un site internet pour dire, l'imam Malik m'a chassé, et il m'a chassé de la mosquée, parce que je lui ai posé une question, c'est quoi cette attitude, pourquoi il a fait ça? Moi, je voulais juste savoir la vérité. Donc, c'est ça, le Cheikh Rabbi, il dit, il vient avec 1000 choubha, 1000 mensonges, pour essayer de faire de la fitna. Et il dit, mais ces gens-là, peu importe qu'est-ce que tu leur réponds, peu importe qu'est-ce que tu fais, ils cessent jamais, ils continuent tout le temps. Il dit, il n'y a rien qui les arrêtera excepté l'épée, les prisons ou le fait d'être expulsé ou chassé. Il dit, et c'est dommage, il dit, si seulement les ulama et les responsables pouvaient faire attention à ce groupe de criminels pour les connaître, et savoir c'est quoi leur objectif et qu'est-ce qu'ils veulent. Hein, parce que derrière ces gens-là, il y a des gens qui travaillent. Hein, ils sont là pour une raison, c'est Haddadiyya. Ils servent un objectif. Et donc, il dit, ça c'est l'exemple de l'imam Malik qui a répondu cette réponse qui est claire. Et on a entendu la même réponse de la part de l'imam Rabi'a, qui était le cheikh de l'imam Malik. Et de même que cette parole a été attribuée aussi à Salama, sauf que cette narration-là, elle est faible. On l'avait mentionné dans les cours précédents. Et le cheikh, il dit, et ils ont dit, donc tous, c'est-à-dire l'imam Malik, Rabi'a, ils ont dit, l'istiwa, c'est connu, et le commun, c'est, on ne le sait pas. Et la question à ce sujet-là, c'est une bid'a. Donc, à l'istiwa, il est connu. C'est quelque chose qui est affirmé dans le Coran et dans la Sunna et dans la langue arabe et dans la raison et dans la fitra. C'est quelque chose qui est établi. Mais le kayf, le comment des attributs, il n'y a personne qui le connaît, excepté Allah. Et donc, on peut faire rentrer le kayf, c'est-à-dire le comment de des attributs d'Allah, on peut le faire rentrer dans qu'est-ce qui est mutashabé, c'est-à-dire qu'est-ce qui est équivoque de la religion. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 7, justement dans sourate Al-Imran, à ce sujet-là, Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie, c'est lui qui a fait descendre sur toi le livre. Parmi ces versets, il y en a qui sont muhkamat, c'est-à-dire qui sont sans équivoque. Et ce sont ces versets-là qui sont la base du livre. Tandis qu'il y a d'autres versets qui sont mutashabihat, c'est-à-dire qui sont équivoques. Ils peuvent avoir plusieurs interprétations. Et on ne peut pas les comprendre tout seul. Il faut les ramener à d'autres versets pour les comprendre ou à d'autres hadiths pour les comprendre. Il dit, tandis que ceux qui ont une déviation dans le cœur, eh bien, eux, ils font exprès de chercher les versets qui ont un sens équivoque, justement, qui peuvent avoir plusieurs significations, parce qu'ils cherchent la fitna et parce qu'ils cherchent à l'interpréter d'une manière à créer la fitna. Et nul ne sait son interprétation excepté Allah. Donc ça veut dire que les mutashabih, le fait de demander le comment à propos des attributs d'Allah fait partie de qu'est-ce qui est mutashabih. Ça ne fait pas partie des muhkamat. Ça fait partie des mutashabihat. Et ici le cheikh il dit الصفات حقائق ثابتة لله معلومة من كتاب الله ومن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ودان بها السلف الصالح، فالصحابة والتابعون وأئمة الإسلام إلى يومنا هذا على هذا الصراط المستقيم وعلى هذا المنهج القويم. أن لله صفات كمال تليق بجلاله، صفات عظيمة وجلال من الاستواء والعلو والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والنزول والمجيء إلى آخره، صفات تليق بذات الله تبارك وتعالى وتدل على عظمته عز وجل. آمنوا بها إيمانا صادقا، لأنها صدرت عن الله رب العالمين الذي لا يأتي كلامه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وصدرت من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فكيف لا نؤمن بها ونصدق. Donc le Cheikh il dit que les attributs d'Allah sont des réalités établies et affirmées à Allah et qu'on connaît à partir du livre d'Allah et de la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam. Et les salaf as-salih, les pieux prédécesseurs, parmi les sahaba et les tabi'in et les imams de l'islam jusqu'à nos jours, ils ont accepté cela comme faisant partie de leur religion et ils y ont cru sincèrement. Et ça c'est la voie droite. Certes, Allah Azza wa Jal a des attributs qui conviennent à sa perfection et à sa majesté. Hein? Des attributs immenses et grandes et majestueuses, comme Al-Istiwa, le fait que Allah s'est élevé sur le trône, et Al-Ulu, le fait que Allah est haut et il est élevé, il est haut. Hein? Et également Al-Ilm, la science, Al-Qudra, la puissance et la capacité, Al-Irada, la volonté, al-sam', l'ouïe, al-basar, la vue, al-nuzul, la descente, hein, lorsqu'il descend au dernier tiers de la nuit pour demander au serviteur qui veut l'invoquer, qui veut demander pardon. Hein, chaque nuit, au dernier tiers de la nuit, il descend au ciel de la dunya et il demande ces questions-là et il attend pour savoir qui va lui demander. Et Al-Maji, la venue d'Allah au jour de la résurrection, lorsqu'il dit hein, dans plusieurs versets dans le Coran qu'il viendra au jugement dernier pour juger les hommes. Il a akhirihi. Donc ce sont des attributs qui conviennent à la grandeur et à la perfection d'Allah, des attributs de son être, tabaraka wa ta'ala, et qui indiquent sa grandeur. Alors croyez en ces attributs de façon sincère, parce qu'elles sont rapportées, elles sont venues de la part d'Allah Azza wa Jal, le Seigneur des mondes, celui dont la parole ne peut être approchée par le faux, ni par devant, ni par derrière. Et ce sont des paroles qui viennent également, des attributs qui ont été mentionnés également dans la sunna du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, celui qui ne parle pas selon sa passion. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat al-Najm, le verset 3 et 4, il ne parle pas selon la passion, ce n'est qu'une révélation qui lui est révélée. Alors comment ne croirions-nous pas et n'accepterions-nous pas ces attributs-là? Hein? Il dit « Wa amma al-kayfiyat » فما أخبرنا الله بها ولا أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فنسكت عنها فهي من المتشابهات ولا نقول كيف أبدا فإن الكيف لا نعلمه لأن ذات الله سبحانه وتعالى لا نعرف كنهها فلا نستطيع أن نكيفها نؤمن بالذات لكن لا نستطيع أن نكيفها لا نعرف كيفية هذه الذات الله أعظم من كل شيء لله ذات ونؤمن بذلك ولكن لا نكيف لا نقول إن ذات الله إن ذات الله على كيفية كذا، ولهذا قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فنفي المثليات، المثليات والكيفيات كلها عن الله عز وجل. لم يقل علمي وكيفية كذا، واستوائي وكيفيته كذا، وقدرتي كيفيتها كذا. نؤمن بهذه الصفات العظيمة وأنها حقائق ثابتة لله عز وجل، لكن كيف؟ لا ندري. كيف استوى؟ لا ندري. كيف ينزل؟ لا ندري، لأن الله عز وجل ما أخبرنا بهذا. وسيأتي كلام العلماء في هذا، بارك الله فيكم. Donc le cheikh il explique que en ce qui concerne le commun des attributs d'Allah, Allah ne nous a pas informé de ça. Et il ne nous a pas informé non plus dans la sunna. Le messager ne nous a pas informé de ça dans la sunna également. Donc on se tait à propos de ça, à propos du commun. Et on sait que ça fait partie des versets qui sont équivoques, qui peuvent avoir plusieurs significations. Et donc on ne va pas dire commun, hein, jamais. Parce que le commun, on ne le connaît pas. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il a un être et on ne sait pas comment il est. Comment est son être? Comment est sa personne? Et on ne peut pas la définir et savoir le commun. C'est-à-dire, on ne peut pas définir le commun des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala ou détailler le commun. Hein? Donc, nous croyons en Allah subhanahu wa ta'ala. Et le fait que Allah subhanahu wa ta'ala, il a un être et une personne, mais on n'est pas capable de savoir le commun de cet être, le commun de cette personne. Comment il est Allah Azza wa Jal lui-même? On ne sait pas. Allah Azza wa Jal, il est plus grand que tout. Il est plus grand que toute chose. Et c'est à Allah donc, hein, Allah subhanahu wa ta'ala, il est tel qu'il s'est mentionné lui-même et il a une personne et un être, hein. Et nous croyons en cela, mais on ne sait pas comment il est. Et on ne pose pas la question à savoir comment il est, ou essayer de l'imaginer dans notre esprit, hein, d'essayer de se faire une représentation mentale de ce que Allah est ou comment il est. Ça, c'est pas possible. Et ça, c'est pas permis. Parce que Allah Azza wa Jal, il dit dans le verset 11, dans Surah Ash-Shura, laysa kamithlihi shay, il n'y a rien qui lui ressemble. Donc, peu importe ce que tu peux essayer d'imaginer dans ta tête, ça ne ressemble pas à Allah. Hein? Et donc, dans le fait de nier les ressemblances et de nier les communs, tout ça, à propos d'Allah, on le fait, c'est-à-dire on nie le commun et les ressemblances à Allah, et on ne dit pas, par exemple, comment est Allah, où Allah est de telle façon, où ses attributs sont de telle façon. Pourquoi? Parce que Allah il ne nous l'a pas dit. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas dit, par exemple, ma science, voici comment elle est. Mon istiwa, comment je m'élève sur le trône, voici comment je le fais, comment il est. Ma puissance, voici comment elle est. Il ne nous a pas dit ça. Hein? Donc, nous devons juste croire en ces attributs-là, tels qu'il nous les a mentionnés, et croire que ce sont des réalités qui doivent être affirmées à Allah Azza wa Jal. Toutefois, on ne peut pas dire le commun, hein, et on ne connaît pas le commun. Comment il s'est élevé sur le trône, comment il descend au dernier tiers de la nuit, on ne sait pas le commun. Il dit parce que Allah subhanahu wa ta'ala ne nous l'a pas dit, il ne nous a pas expliqué ça, donc on ne peut pas le savoir. Et on va voir les paroles des ulama à ce sujet-là. Après, le cheikh, il dit, وَهُنَا سَاقَ إِسْنَادًا ثَانِيًا عَنْ مَالِكٍ فِي نَفْسِ الْقَضِيَةِ وَأَنَّهُ اسْتَنْكَرَ هَذَا السُّؤَالِ وَغَضِبَ مِنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَكَانَ مَالِكٌ قَوِيًّا فِي سَدِّ الذَّرَائِعِ وَالْمُوصِلَةِ إِلَى الْفِتَنِ وَالْفَسَادِ وَمَنْهَجُهُ قَوِيٌّ فِي هَذَا الْبَابِ والعلماء كذلك لكن مالكا كان متشددا اكثر من غيره منها كان متشددا اكثر من غيره ومنها هذه القضية. يعني le Sheikh il explique donc que l'imam Malik, il a donc mentionné cette parole et il a rapporté l'imam As-Sabuni une deuxième isnad par rapport à cette histoire. Et donc on voit comment il a condamné, critiqué la personne qui pose cette question, comment il s'est mis en colère après lui, radiyallahu anhu. Et on voit également comment il était fort, l'imam Malik, il était fort pour faire pour appliquer le principe de sadd al-dhara'i. Sadd al-dhara'i, dhara'i c'est le pluriel du mot dhari'a. Dhari'a, c'est-à-dire toutes les choses qui peuvent nous amener, ou les moyens qui peuvent nous apporter ou nous amener à quelque chose qui est haram. Donc le principe qu'on appelle sadd al-dhara'i, ça veut dire que même si quelque chose il n'est pas haram en lui-même, mais si tu sais que cette chose-là qui est halal, elle risque de faire tomber quelqu'un dans qu'est-ce qui est haram, alors tu dois l'interdire pour empêcher les gens de tomber dans ce qui est haram. Même si la chose à la base, elle n'est pas haram en elle-même. D'accord? Donc c'est ça, c'est le principe qu'on appelle sadd al-dhara'i. D'accord? Et le cheikh, il explique que l'imam Malik, il était extrêmement fort dans l'utilisation de ce principe-là, dans tout ce qui amenait à une fitna ou de la corruption ou du désordre. Et sa méthodologie à ce sujet-là, elle était extrêmement forte. Et il dit, de même que les autres ulama aussi, parmi les ulama de Ahl Sunnah, sauf que Malik, il était encore plus fort que les autres ulama dans ce principe-là. Hein? Et en particulier dans l'exemple qu'on a vu à propos de cette question. Après, le cheikh, il dit, « Wasaqa ثلاثة أسانيد كلها مدارها مالك والمعنى ما ذكرنا وسيأتي سؤال هذا الرجل يعني سئل أبو عبد ابن أبي علي سئل أبو علي الحسين ابن الفضل البجلي عن الاستواء وقيل له كيف استوى على عرشه فقال انا لا اعرف انا لا اعرف من انباء الغيب الا مقدار ما كشف لنا وقد اعلمنا جل ذكره انه استوى على عرشه ولم يخبرنا كيف استوى اخبرنا الحاكم ابو عبد الله الحافظ رحمه الله قال أخبرنا أبو عبد الله أخبرنا أبو بكر محمد بن داود الزاهد قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن السامي قال حدثني عبد الله بن أحمد بن شبوية المروزي قال سمعت علي بن الحسين بن شقيق يقول سمعت عبد الله بن المبارك يقول نعرف ربنا فوق سبع سماوات على العرش استوى بائنا منه خلقه نعرف ربنا فوق سبع سماوات على العرش استوى بائنا منه خلقه لا نقول كما قالت الجهمية أنه هاهنا وأشار إلى الأرض. Donc ça, c'est deux narrations qui sont rapportées par d'autres ulama et des imams de la sunna, qui sont des narrations qui vont dans le même sens que ce que l'imam Malik a dit, mais dans l'expression, c'est une explication qui est dans le même sens, mais qui est dans d'autres termes. D'autres termes et d'un autre style. L'imam Malik, sa réponse, une des raisons pourquoi elle est si célèbre, c'est parce qu'elle est courte et elle est simple. Elle est facile à mémoriser, elle est facile à comprendre. Al-istiwa'u ma'lumun. والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. Quatre phrases très courtes, très simples, facile à mémoriser et facile à comprendre. Donc, il y a dessus de la lumière de la sunna. Hein? Et les gens, ils l'ont rapporté cette parole de l'imam Malik en masse et elle s'est propagée partout dans le monde. Et même que maintenant, tu demandes à tout le monde cette parole, ils la connaissent. Mais il y a d'autres paroles aussi des salafs qui ont le même sens que celles de l'imam Malik, qui ne sont pas aussi célèbres, mais qui sont aussi puissantes et aussi fortes. Et donc ici, on a posé la question à Abu Ali al-Hussein ibn al-Fadl al-Bajali à propos de l'istiwa. Hein? Et on lui a posé la question, comment Allah s'est élevé sur son trône? Kayfa istawa ala arshi? Alors, qu'est-ce qu'il a répondu à Abu Ali al-Hussein ibn al-Fadl al-Bajali? Il a répondu, il a dit, je ne connais pas le ghaib, excepté dans la limite de ce qui nous a été dévoilé à ce sujet-là, c'est-à-dire dans le Coran et la Sunna. Et il dit, et nous savons, hein, de la part d'Allah, Allah nous a fait savoir qu'il s'est élevé sur son trône, mais il ne nous a pas expliqué ou ne nous a pas informé comment il s'est élevé sur le trône. Donc ça veut dire, on sait qu'il s'est élevé sur le trône parce que Allah nous l'a dit, mais comment il s'est élevé sur le trône, on ne le sait pas. C'est seulement Allah Azza wa Jal qui le sait. Après, le cheikh, il dit que également Al-Hakim Abu Abdullah Al-Hafiz, il a rapporté et il a dit que Abu Bakr Muhammad ibn Daoud al-Zahid nous a informé, que Muhammad ibn Abdurrahman al-Sami nous a informé, que Abdullah ibn Ahmad ibn Shabway al-Marwazi m'a informé. Hein, il a dit, j'ai entendu Ali ibn al-Hussein ibn Shaqiq, Ibn Shaqiq, qui a dit, j'ai entendu Abdullah ibn al-Mubarak. Vous connaissez l'imam Abdullah ibn al-Mubarak? Un grand imam parmi les imams des salafs. Un des grands imams qui vivait à la même époque que l'imam Malik. Amir al-Mu'minin a fait le hadith. On dit de lui qu'il faisait le hajj une année et le jihad une année. Il était connu pour sa générosité, sa piété, sa science dans le hadith et son courage également. Donc l'imam Abdullah ibn al-Mubarak, rahimahullah, était aussi un grand commerçant en même temps. Et avec son argent qu'il gagnait de son commerce, il payait le hajj à beaucoup de gens pour faire le hajj avec lui, de sa propre poche. Hein? Rahimahullah. Donc, il aidait aussi les talabat al-ilm et les ulama. Il leur donnait de son argent avec qu'est-ce qu'il gagnait. Donc, rahimahullah. Il dit, Abdullah ibn al-Mubarak, rahimahullah, nous connaissons notre Seigneur comme étant au-dessus des sept cieux, élevé sur son trône, séparé de sa création. Et nous ne disons pas comme ce que disent les Jahmiyyah, qu'il est ici, et il pointait vers la terre. Hein? Nous ne disons pas, comme le disent les Jahmiyyah, qu'il est ici, hein? En pointant vers la terre. Donc, cette parole, elle est une parole très célèbre aussi, malgré que peut-être qu'il y a beaucoup de musulmans qui la connaissent pas, parce qu'ils n'ont pas lu les livres des salafs et de l'aqida des salafs. Donc, l'imam Ibn al-Mubarak, il le dit clairement, nous connaissons notre Seigneur comme étant au-dessus des sept cieux, élevé sur son trône, séparé de sa création, et nous ne disons pas comme le disent les Jahmiyyah qu'il est ici, c'est-à-dire sur terre. Après, le cheikh, il dit, Cheikh Rabi' hafidhahullah, il dit, « قال رحمه الله وسئل أبو علي الحسين ابن الفضل البجلي عن الاستواء وقيل له كيف استوى على عرشه؟ فقال أنا لا أعرف من أنباء الغيب وهذا أمر غيبي كلام العقلاء والحكماء يعني قال أنا لا أعرف من أنباء الغيب إلا مقدار ما كشف لنا، يعني علم الغيوب لا يعلمه إلا الله عز وجل، وعلوم البشر جميعا بالنسبة لعلم الله كقطرة في بحر، فما كشف لنا من هذه الغيبيات إلا القليل، لا نعرف من أنباء الغيب إلا مقدار ما كشف لنا، فالله كشف لنا أنه استوى على العرش وأنه فوق المخلوقات، ولكن لم يبين لنا الكيف. وكثير من الغيبيات لا نعلمها، فنحن لا نتكلم عن الله إلا في حدود علمنا فقط، في هذا المقدار الذي اطلعنا الله عليه، اطلعنا الله عليه، فلا نتجاوز ذلك إلى ما لم يكشفه الله تبارك وتعالى لنا من علوم الغيب. فهذا كلام الحكماء العقلاء. Donc ici le Cheikh Rabi حفظه الله il commente sur la parole qu'on a lu en premier de Abu Ali al-Hussein ibn al-Fadl al-Bajali. Et donc il lit cette parole quand il a répondu à propos de l'istiwa et le commun, hein, à propos du commun, il a dit, je ne connais pas les choses qui ont rapport avec le ghaib. Le ghaib, je ne le connais pas, excepté ce que Allah nous a révélé. Hein. Donc, la connaissance du ghaib, c'est seulement Allah qui le connaît. Et ça, c'est une réponse de quelqu'un qui est intelligent, qui est sage. Hein. Vous voyez comment il lui répond ? Il lui fait comprendre, il dit, ça c'est la limite, ça nous dépasse. On ne peut pas connaître ça parce que c'est le ghaib. Et le ghaib, c'est seulement Allah Azza wa Jal qui le connaît. Et il dit, la connaissance des êtres humains, toute la connaissance de ce que les êtres humains connaissent dans les choses de la dunya, c'est comme une goutte d'eau dans l'océan à côté de la science d'Allah. Donc il dit, ce qu'il nous a fait connaître des connaissances de l'invisible, c'est juste un petit peu de la science, hein, de qu'est-ce qu'on sait du ghaib dans la révélation. Il dit, on ne connaît pas du ghaib, excepté ce que Allah nous en a dévoilé. Et Allah Azza wa Jal nous a dévoilé, parmi les choses du ghaib, qu'il est élevé sur son trône et qu'il est au-dessus des créatures. Mais il ne nous a pas expliqué comment il est élevé sur le trône. Et il dit à beaucoup d'autres choses de l'invisible et du ghaib qu'on ne connaît pas. Donc, nous ne pouvons pas parler excepté dans les limites de ce que Allah nous a fait connaître seulement. Et donc, il dit ça c'est la limite de ce que Allah nous a donné comme connaissance dans ces choses-là. Et on n'a pas le droit de dépasser cela, hein, et de commencer à rentrer dans ce que Allah nous a pas dévoilé et dont on n'a aucune science, surtout dans des choses du ghaib. Donc ça c'est bien entendu une parole de quelqu'un qui est sage et qui fait partie des gens intelligents. Il dit ensuite وَقَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَقَدْ عَلَمَنَا جَلَّ ذِكْرُهُ أَنَّهُ اسْتَوَى عَلَى عَرْشِهِ وَلَمْ يُخْبِرْنَا كَيْفَ اسْتَوَى فهذا أمر غيبي أخبر الله تعالى عنه ولم يبين لنا كيفيته نؤمن به ونصدق به ولا نسأل عن كيفيته ولم يخبرنا به وما لم يخبرنا به لا نتعرض له ولا ندخل فيه لأنه أمر غيبي استأثر الله به عز وجل. Donc le cheikh il dit que l'imam il a dit, al-Bajali il a dit, yani, Allah nous a fait savoir dans la révélation qu'il s'est élevé sur le trône. Mais il ne nous a pas dit comment il s'est élevé sur le trône. Parce que ça fait partie du ghaib. Allah Azza wa Jal ne nous l'a pas expliqué le comment. Donc nous y croyons, hein, nous croyons que c'est la vérité. Et on ne demande pas à propos du comment. Et ce dont Allah nous a pas expliqué le comment, hein, ce dont Allah nous a pas parlé dans la révélation, eh bien, on n'essaie pas de rentrer dedans ou on n'essaie pas de commencer à parler à son sujet. Parce que ça fait partie des choses du raïb, hein, des choses qui font partie de l'invisible que Allah Azza wa Jal a gardé pour lui. Il dit ensuite, « وَقَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنُ شَقِيقٍ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ يَقُولُ نَعْرِفُ رَبَّنَا كَيْفَ فَوْقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى بَائِنًا مِنْهُ خَلْقَهُ. Et il dit « Al-arshu fauqa al-samawat, wallahu fauqa al-arsh, wa yasduqu bi qawlihi, wa yaqsud bi qawlihi ba'inan min khalqihi, al-raddu ala al-jahmiyati, al-lazina yaqulun Allahu fi kulli makan. Fa-allahu subhanahu wa ta'ala mutamayizun an khalqihi, fa-makhlukatuhu laysat fi shay'in min dhatihi, la, wala dhatuhu fi shay'in min makhlukatihi. تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. قال رحمه الله ولا نقول كما قالت الجهمية إنه هاهنا وأشار إلى الأرض. الجهمية يقولون في كل مكان بزعم التنزيه، يعني يزعمون أنهم ما أنكروا صفة الاستواء والعلو إلا تنزيها لله. وبعد ذلك أين الله؟ قالوا في كل مكان. هل هذا تنزيه؟ هل هذا تنزيه؟ يعني الأماكن فيها القذر وفيها البلاء وفيها وفيها، وهذا اعتقاد خبيث. Donc le cheikh il dit, ensuite il a rapporté la parole selon Ali ibn Hussein ibn Shaqiq. Il dit, j'ai entendu Abdullah ibn al-Mubarak qui disait, nous connaissons notre Seigneur comme étant au-dessus des sept cieux, élevé sur son trône, séparé de sa création. Donc le trône est au-dessus des cieux et Allah est au-dessus du trône. Et qu'est-ce qu'il veut dire par Allah est séparé de sa création? Il veut dire par là la réfutation des Jahmiyyah qui disaient que Allah est dans tout endroit ou en tout lieu ou partout. Hein, ils disent Allah est partout. Et donc, en disant ça, hein, le cheikh il dit que l'imam Abdullah ibn al-Mubarak, en disant Allah est séparé de sa création, il veut faire comprendre que Allah se distingue de sa création. La création, c'est la création, et le créateur, c'est le créateur. Et les deux sont séparés, les deux sont différents. D'accord? Et donc, il dit il n'y a rien des créatures. Hein, qui sont en Allah, et il n'y a rien de Allah qui est en ses créatures. Allah Azza wa Jal, hein, qu'il soit exalté et purifié de ce que ces injustes essaient de lui, hein, de lui attribuer, et de ce qu'ils disent. Donc il dit que l'imam, ensuite, l'imam Abdullah ibn al-Mubarak, rahimahullah, il dit ensuite, et nous ne disons pas comme le disent les Jahmiyyah qu'il est ici en disant, en pointant vers la terre ou en montrant la terre. C'est-à-dire que les Jahmiyyah disent que Allah est partout en pensant que, en disant cela, ils ont purifié Allah d'une imperfection quelconque. Hein? Comme si le fait de dire que Allah est élevé sur son trône, et qu'il est au-dessus de sa création, que c'était une imperfection. Hein, comme si quand on dit que Allah est au-dessus de son trône, eux ils considèrent ça comme si c'était une imperfection qu'on a attribuée à Allah. Et donc c'est comme s'ils disaient non, il faut pas dire que Allah est partout. Pardon. C'est comme s'ils disaient il faut pas dire que Allah est au-dessus de son trône, parce que si on dit que Allah est au-dessus de son trône, ça impliquerait quelque chose. Qui, dans la philosophie, et selon la philosophie, la métaphysique d'Aristote et de Platon, ce ne serait pas acceptable. Donc, on est obligé de le nier. Hein? On dit que Allah est au-dessus de son trône, et on dit, au lieu de dire qu'il est au-dessus de son trône, on dit qu'il est partout. Hein? Ou bien, parfois, ils disent qu'il est nulle part. Certains disent qu'il n'est pas dans un endroit, d'autres disent qu'il est dans tous les endroits en même temps. Et On a déjà expliqué dans les cours précédents que ça c'est du kofr et que ça c'est de l'égarement. Hein? Donc, on sait que c'est de l'égarement parce que c'est contraire à ce que Allah a révélé dans le Coran et dans la Sunna. Et Allah a clarifié dans plusieurs versets qu'il est au-dessus de son trône, au-dessus de sa création. Donc ça c'est la vérité qu'on doit affirmer. Et le cheikh il dit ensuite, quand tu regardes les endroits qui existent dans la création, il y a des endroits qui sont sales, il y a des endroits qui sont impurs, il y a des endroits qui sont mauvais. Est-ce que toi tu vas dire Allah il est dans ces endroits-là, hein, dans les égouts, dans les dépotoirs, dans les toilettes, hein, dans les endroits où il y a les impuretés, dans les choses impures et sales. Pour les gens de Wahdatul Wujud et les gens de Jahmiyyah, pour eux là, en réalité, ça ne dérange pas de dire ça. Pourquoi ça ne leur dérange pas? Parce que pour eux, il n'y a rien qui est impur. Ils considèrent que l'impureté et la pureté, c'est la même chose. Parce qu'ils disent tout est Allah. Donc, il n'y a pas de différence entre le porc, le mouton, ou bien entre l'urine et l'eau. Pour eux, tout ça, c'est la même chose. Donc, ils disent ça ne dérange pas de dire que Allah est dans ces choses-là pour eux, parce que hein? Pour eux, tout est pareil. Il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de halal, il n'y a pas de haram. Il n'y a pas de kof, il n'y a pas de shirk. En réalité, pour eux, tout est pareil. Donc c'est pour ça qu'ils n'ont même pas de honte ou de gêne de dire ce genre de choses. C'est-à-dire qu'on ne le dit pas de cette façon-là par respect pour Allah. Parce que Allah Azza wa Jal, il a créé le bien, il a créé le mal. Il a créé, comme tu dis, il a créé le cochon, il a créé tout ce qui existe, c'est Allah qui l'a créé. Mais quand on parle à Allah ou quand on veut faire un dua à Allah, on ne va pas l'invoquer ou parler de lui comme étant le créateur de ces choses-là de façon spécifique, par respect pour Allah. Hein? Ta'adduban. Par respect pour Allah subhanahu wa ta'ala. Mais pas parce qu'on ne le dit pas. Si on ne le dit pas, ça ne veut pas dire qu'on nie qu'il a créé ces choses-là. Mais c'est par respect pour Allah. Hein? Tu ne vas pas dire, oh Allah, le créateur des kuffars, le créateur des mushrikin, hein? Le créateur de... Non, tu ne vas pas dire ça. Tu vas adorer Allah et tu vas le mentionner. Hein? Et tu vas parler de lui avec respect et de la meilleure façon. Non, parce qu'en même temps aussi, il a créé ces choses-là pour une sagesse. Ce n'est pas pour rien qu'il a créé les koufars, qu'il a créé le porc, qu'il a créé le shirk et le kofr. Ces choses-là, il les a créées pour une sagesse. Il y a un bien dedans. Même si certains, quand ils voient ça, ils ne comprennent pas pourquoi. Hein? Donc ça, c'est important. Et ensuite, le cheikh, il dit... نعم ومما يدل على أن واضع هذا المنهج زنديق معارض لكتاب الله عز وجل ولا يقدس الله ولا ينزهه وإنما يتستر بقضية التنزيه أو بلفظ التنزيه وهكذا كل ضال يأتي بلفظ يتستر من ورائه أو بشخص يتستر من ورائه فهم اتخذوا من لفظ التنزيه سلما لإسقاط صفات الله تبارك وتعالى وإنكارها والحرب على الكتاب والسنة وعلى من يؤمن بهذه الصفات التي وردت في الكتاب والسنة الدالة على عظمة الله وكمال صفاته وكمال صفاته وذاك الإمام مالك وهذا أبو علي ابن الحسين ابن الفضل من أئمة الإسلام والثالث عبد الله بن المبارك إمام الأئمة في عهده الذي لم يعرف له نظير في وقته علما وجهادا وجودا وسخاء وحبا لأهل السنة وإكراما لهم رحمه الله وكان يغزو ويجاهد ويبذل ماله يعني كان غنيا وينفق أمواله في سبيل الله وعلى أهل السنة رحمه الله وهو في القمة من العلم والفضل والعقل والذكاء والحفظ رحمه الله. فأين جهم بن صفوان وأذنابه من هؤلاء الأئمة التي يلتفت إلى ردهم على واحد من علماء السنة؟ فضلا عن ردهم لنصوص الكتاب والسنة وعن ردهم لكلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. Donc le Cheikh il dit, et parmi les preuves qui montrent que la personne qui a établi cette méthodologie d'égarement, de la négation des noms et des attributs d'Allah, que cette personne qui a fait cette méthodologie-là, c'est un hérétique qui veut opposer le livre d'Allah et la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il ne veut pas glorifier Allah ou purifier Allah en quoi que ce soit, mais il utilise seulement la question de la purification comme un moyen de se protéger ou de se cacher derrière ce terme pour justement essayer de justifier la négation des attributs d'Allah. Parce que les hérétiques et ces gens-là, quand ils nient les noms d'Allah et les attributs d'Allah, ils ne vont pas dire, par exemple, non, on nie ces attributs-là parce qu'on les rejette, parce qu'on est contre ces attributs-là, parce que ce n'est pas bon ces attributs-là, il y a quelque chose de faux dedans ou des choses de ce genre. Ils ne le disent pas de cette façon-là. Quand ils le nient, quand ils nient ces attributs-là, ils disent quoi? Ils disent non, il ne faut pas dire ces attributs-là de cette façon parce que ça pourrait impliquer quelque chose qui est faux à propos d'Allah. Et ils disent, nous on veut purifier Allah, exalter Allah de ce genre de fausse signification. Ça c'est ce qu'ils disent. Mais le cheikh il dit, c'est comme ça que les gens de l'égarement, ils font tout le temps quand ils ont une maladie dans leur cœur ou un problème dans leur cœur. Eh bien, ils se cachent derrière quelque chose pour essayer de faire accepter aux gens le faux auquel ils appellent. C'est comme aujourd'hui, par exemple, tu vois des gens parmi les hérétiques, ils disent non, on veut pas dire que dans l'islam il y a une peine pour l'apostasie parce que si on dit ça, c'est en contradiction avec qu'est-ce que par exemple les koufars ont dit, donc on va pas dire ça. Yani subhanallah, Donc, s'ils disent ça, les gens ils vont comprendre qu'ils sont en train de vouloir jouer avec la religion. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils cherchent d'autres excuses, d'autres prétextes. Ils se cachent derrière d'autres choses. Ils vont dire, non, Allah dit la ikrah fiddin. Donc, il n'y a pas de contraintes dans la religion. Donc, il ne faut pas faire ça. Alors que dans la religion d'Allah, il n'y a pas de contradiction. Celui qui a dit la ikrah fiddin, c'est le même qui a révélé aussi au prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire « Man baddala dinahu faqtulu ». À la kulli hal, les gens de bid'a, ils vont toujours essayer de chercher un moyen pour essayer de faire passer leurs égarements comme si c'était quelque chose qui était pour défendre l'islam. Et c'est ça qu'ils font aujourd'hui encore maintenant. Donc, à l'époque, ils disaient « Non, il ne faut pas dire que Allah est au-dessus de son trône parce que ça risque d'être interprété d'une façon qui va être une attaque ou bien ça va être c'est comme si on dénigre Allah. Non, nous on veut purifier Allah, donc on ne va pas dire qu'il est au-dessus de son trône, on va dire qu'il est partout. Ou bien on va dire qu'il est nulle part, ou des choses de ce genre. Et il n'y a pas de doute que ça c'est une de leurs ruses. Et le cheikh il dit que ils veulent prendre de ça comme une échelle. L'utiliser cette parole comme une échelle pour faire tomber les attributs d'Allah et pour nier les attributs d'Allah et pour faire la guerre au livre d'Allah et à la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam et pour faire la guerre à tous ceux qui croient en ces attributs-là tels qu'elles sont mentionnées dans le Coran et dans la sunna et qui indiquent la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala et la perfection de ses attributs. Et il y a également l'exemple de l'imam Malik, on a vu donc sa parole. La parole aussi de Abu Ali ibn al-Hussein ibn al-Fadl, qui fait partie des imams de l'islam. Et la troisième narration qu'on a lue, qui est la parole de l'imam Abdullah ibn al-Mubarak, qui est un des grands imams à son époque. Et on n'a pas connu aucun autre savant aussi grand que lui à son époque dans la science, dans le djihad qu'il a fait, dans sa générosité et dans son amour, hein, dans son amour pour les gens de la sunna et la générosité qu'il avait envers eux. Il faisait le djihad, il combattait dans le sentier d'Allah et il dépensait également de ses biens, hein, pour la cause d'Allah et pour aider les ulama et les tullab al-ilm. Et il était riche, donc il dépensait de ses biens dans le sentier d'Allah sur les gens de la sunna et pour les gens de la sunna. Donc il était dans le sommet, dans la science, dans le mérite, dans la raison et l'intelligence, et dans la mémorisation de la science, et ainsi de suite. Donc où est-ce que tu vas, yani, qu'est-ce que tu peux dire de cet imam-là, en voulant dire où est-ce qu'il est, Jahm ibn Safwan, et ceux qui sont en arrière de lui, par rapport à ces grands imams. Il n'y a même pas de comparaison à faire. Et donc, il dit, les grands imams, فأين جهم بن صفوان وأذنابهم من هؤلاء الأئمة حتى يلفت إلى ردهم. يعني on va même pas donner d'importance à la parole de ces égarés là comme Jahm ibn Safwan et d'autres comme qui l'ont suivi, et encore moins justement de leur rejet des textes du Coran et de la Sunna, ou de leur rejet des paroles d'Allah, hein, et la parole du messager sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça, c'est des explications et des clarifications à ce sujet-là. Et il y a d'autres paroles, d'autres citations aussi que l'imam As-Sabuni a mentionnées qui sont vraiment intéressantes aussi. On va les lire la semaine prochaine, inshallah. On avance. Donc l'imam As-Sabuni, il a vraiment mentionné beaucoup de narrations très très bénéfiques sur ce sujet-là. Il nous reste encore un bon paquet de choses à lire sur ce sujet. On n'a pas fini encore. Donc on est encore sur Al-Istiwa pour plusieurs semaines encore, inshallah. Donc on s'arrête ici pour aujourd'hui, pour ce cours. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.